qui parmi les hommes pouvait vaincre la mort? Quelle créature, même parmi les anges, pouvait anéantir la puissance du péché? Qui parmi les rois et les princes pouvait autant marquer l'univers et se placer au centre des événements, au cœur des circonstances comme toi, Seigneur, le véritable noyau de la vie? Et désormais, tous ceux qui aspirent à l'éternité n'ont de repère qu'en toi. Tous les grands enjeux de l'humanité ne trouvent une issue véritable qu'en toi. Toutes les questions du monde n'ont de réponse qu'en toi, pourvu que les hommes de ce siècle le sachent et qu'ils accourent vers la source de leur bonheur que tu es. Tu es sorti vivant d'une terre qui n'était pas structurée pour te contenir. Tu as rencontré la mort dans ses demeures. Tu lui as ravi les clés du séjour de mort et tu as rendu libres toutes les victimes que l'aiguillon de la mort avait frappées. Tu venais de publier le décret qui mettait fin au règne des ténèbres et ouvert pour l'humanité rachetée une ère nouvelle. La puissance de la résurrection t'a ramené vivant de là où tous ceux qui sont nés de femmes sont restés captifs, jusqu'à ce que tu viennes accomplir ce qui était prévu dès les origines. Tu as quitté la terre comme tu y étais entré, c'est-à-dire par la voie d'un prodige. Tu as traversé physiquement les cieux pour regagner la demeure de ta majesté et occuper le trône de ta grandeur. Et les cieux célébrèrent ta victoire. Les forces des ténèbres se sont liguées. La vallée de la mort aménagée pour une randonnée funèbre. Cependant, ton veto s'est opposé au dessein cynique de l'enfer, car le dernier mot t'appartient. Le breuvage mortel a répandu ses traits nocifs dans mes entrailles et entamé l'œuvre de la destruction. Mais gloire soit rendue à toi qui contrôle toutes choses. Tu m'as souverainement rendu la vie afin que je vive essentiellement pour te faire plaisir, vivre pour t'aimer, vivre pour te célébrer encore et toujours. Tu es digne d'occuper le trône de mon cœur et de remplir mon être profond, d'être celui vers qui se porteront tous les désirs de mon âme et pour qui je passerai tous mes jours sous le soleil. Il y a des mots que je ne peux dire qu'à toi et ceux que je ne peux entendre que de toi. Comment ne pas aimer l'amour qui se fait aimer et qui déploie toutes ses vertus pour demeurer ancré dans les racines d'un cœur planté en toi? Comment ne pas enlacer l'amour incarné, vivant et parfait, qui manifeste toutes ses tendresses dans l'intimité de nos cœurs attachés pour la vie? Comment ne pas se réjouir d'un bonheur si réel, si puissant et si vrai, qui se vit mieux qu'il ne se raconte? L'histoire de notre alliance est pareille à une merveille que tu as inscrite dans les annales de l'éternité et qui ressemble aujourd'hui à une légende. Je suis issu du tronc de l'arbre de vie et planté comme une vigne de l'Éternel pour servir de signe de présage à cette génération et porter des fruits qui seront servis à la table du roi, aux noces de l'agneau, sous les airs de l'adoration. J'aime t'adorer, Seigneur, et proclamer ton amour, car c'est pour cela que tu m'as introduit sur la terre, vivre pour t'aimer et annoncer aux hommes que tu as créés que tu es Seigneur, digne de notre louange.